السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié les obligations du jeûne de Ramadan. Les obligations du jeûne de Ramadan. Après avoir vu les choses recommandées, il y a certaines actions, certaines choses qui sont permises dans la journée du mois de Ramadan, sur lesquels beaucoup s'interrogent et que certaines personnes évitent, pensant que ça entre dans les annulatifs du jeûne. C'est pourquoi les savants mentionnés dans leurs livres, dans leurs allocutions et leurs cours, ce chapitre, à savoir « Mubahatun fi siyam » des choses permises durant la journée de Ramadan. La première chose qu'on va citer ici concernant la personne mariée, al qubla wa aktharu min dhalik liman liman yani bi shart liman yamliku nafsa. Premièrement, il est permis à l'homme d'embrasser son épouse, et plus encore à condition qu'il sache de sa propre personne qu'il se retient. Il se retiendra d'aller jusqu'à l'interdit. Donc il est permis à l'homme d'embrasser son épouse durant la journée de Ramadan et de faire plus que cela, à condition qu'il se retienne de transgresser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis. Aïcha radiallahu anha informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Puis elle dit qu'il était celui qui se maîtrisait le plus. Ainsi les savants disent qu'il est permis à l'homme d'embrasser son épouse, et plus encore, à condition qu'il sache de sa personne cette maîtrise. Donc el qubla et même el mubashara, liman yamliku nafsa. Deuxièmement, ayusbiha junuban min jima'in bilayl. Deuxièmement, le jeûneur a la permission d'entrer ou bien de se réveiller en état de janaba. Il a la permission de se réveiller en état de janaba suite à avoir commercé avec son épouse durant la nuit. Il a donc la permission d'entrer dans le fajr avant de s'être lavé. Donc, ceci est une chose licite et une chose permise, bien que le mieux soit de se laver avant de dormir. La troisième chose permise, al-rusl al-irtisal li-tabarrud, le fait de se laver durant la journée de Ramadan afin de se rafraîchir ou autre. Ajoutez à cela le fait d'utiliser le savon, le shampoing, d'utiliser na'am, donc de se laver pour se rafraîchir, pour se renforcer, ou pour faire une toilette tout simplement. La personne peut utiliser du savon et autres. Cinquièmement, isti'amalu ma'adoun il-asnan, l'utilisation du dentifrice, le fait de se laver les dents et même d'utiliser du dentifrice. Donc le siwak à plus forte raison est permis, que ce soit dans la journée de Ramadan ou autre, c'est recommandé, c'est mustahab. Quant au fait de se brosser les dents avec du dentifrice, c'est permis. C'est permis. Sixièmement, al-madmada, le fait de se rincer la bouche, puis recracher l'eau. Fin de, le fait de se rincer la bouche puis cracher l'eau, c'est permis. Septièmement, al-istinshaqu min ghayri mubalagha. Le fait d'introduire de l'eau dans le nez et le faire ressortir, mais sans exagérer. C'est-à-dire sans prendre le risque que l'eau entre dans les narines jusqu'à la gorge. Donc c'est permis. Huitièmement, je pense qu'on est au huitièmement, istirmal ou tib, le fait d'utiliser le parfum, le fait de se parfumer pendant la journée de Ramadan, c'est permis. Et parmi les idées reçues, le fait de paraître durant la journée de Ramadan comme une personne qui ne prend pas soin d'elle, ceci n'est pas voulu dans la religion. Ceci n'est pas voulu dans la religion. Ainsi, c'est permis d'utiliser le parfum, de mettre du parfum. Neuvièmement, l'utilisation des pommades. C'est permis, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. C'est permis. Dixièmement, bal'u ar-riq. Le fait d'avaler sa salive. Contrairement aux idées reçues, c'est permis. La personne a la permission d'avaler sa salive. Car c'est une chose qui est difficile de constamment cracher sa salive. Ça n'est pas demandé en religion. Dixièmement ou onzièmement, le fait de goûter la nourriture, mais l'ilhaj, en cas de besoin. En cas de besoin. Mais il n'avale pas sa salive mélangée à la nourriture, il recrache. Donc la personne, en cas de besoin, par exemple, elle cuisine, et elle ne sait pas si c'est assez salé, si c'est assez relevé. Ainsi, elle va goûter, puis elle va recracher pour savoir si ce repas, cette sauce, a besoin de plus de sel ou non, par exemple. Ceci est permis et licite. Mais elle ne devra pas avaler ce qu'elle a goûté, elle devra le recracher. Parmi les choses permises, je vous laisse compter, شم الرائحة الطيبة, le fait de sentir de bonnes odeurs. Le fait de sentir de bonnes odeurs, du parfum ou autre. Ceci est permis. Et une question qui revient très souvent, le fait de se faire arracher des dents, le fait de consulter le dentiste. C'est permis. C'est permis. Et ça n'entache pas le jeûne de la personne. Par contre, si elle a besoin d'avaler quelque chose, à ce moment-là, elle va couper son jeûne parce qu'elle est malade. Elle va faire ses soins et elle devra rattraper ce jour de jeûne. Elle est excusée. Mais dans le cas où elle n'avale rien, son jeûne est valable. La personne se fait enlever une dent ou se fait traiter ou soigner une dent ou la gencive. Ceci est permis durant la journée de Ramadan. Le point suivant, c'est consulter le médecin et subir des soins. Ceci est permis. Mais si la personne est amenée à prendre un médicament qui nécessite de l'avaler, à ce moment-là, elle rompt son jeûne parce qu'elle est malade et elle rattrape ce jour. Parmi les choses permises, la prise de sang. Ceci est permis. Et ne coupe pas le jeûne, que ce soit pour des analyses ou autres. Mais l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans Tuhfatul Ikhwan, émet une remarque pertinente, comme beaucoup de ses paroles, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, ce grand savant, nous dit, « وَلَوْ أَخَّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ كَانَ أَوْلَى » Mais s'il repousse cela après le maghrib, ni la nuit, ceci est meilleur. Ceci est meilleur. Parmi les choses permises, peut citer par exemple le cas de celui qui a un rendez-vous au dentiste ou le cas de celui qui a une fracture, on va lui faire une piqûre anesthésiante. Si c'est ainsi qu'on dit, donc on va lui faire une anesthésie en utilisant une piqûre, en utilisant une aiguille. C'est connu que ça va anesthésier cette partie locale. C'est une anesthésie locale. Et on va donc lui injecter ce produit pour qu'il ne subisse, pour qu'il ne souffre pas. Ceci n'annule pas le jeûne. C'est permis et ça n'annule pas le jeûne. Par contre, al-ibar, al-muradhiya, par contre, les piqûres nutritives, celles qui nourrissent le corps, sont à l'image de la nourriture et de la boisson. Ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Donc, les piqûres qui ne font pas atteindre la chose injectée à l'estomac, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Donc, la piqûre qui anesthésie n'annule pas le jeûne. Dans la journée de Ramadan, c'est permis de se raser les poils, en dehors des poils de la barbe. L'homme n'a pas le droit de se raser la barbe, c'est interdit. Comme de plus d'une dizaine de hadiths montrent cela, le prophète alayhi salam a ordonné de laisser pousser la barbe, tout comme il a ordonné de tailler la moustache. Il nous a ordonné de nous distinguer des polythéistes qui, eux, se rasent la barbe et laissent la moustache dans de très nombreux ahadiths. Ainsi, il est permis de se couper les cheveux, de se raser la tête, de s'épiler les poils du pubis, de s'arracher les poils des aisselles. Tout cela est permis dans la journée de Ramadan. Tout cela est permis. Parmi les choses permises, taqlimul adhafir, le fait de se couper les ongles. Le fait de se couper les ongles, c'est permis dans la journée de Ramadan. Parmi les choses permises, le fait de se coiffer, de se peigner, ceci est permis. Parmi les choses permises, pour les femmes, il y a également le fait d'utiliser des médicaments qui vont, le fait d'utiliser avant la journée de jeûne des médicaments qui vont couper ou retarder la venue des menstrues. Qui vont couper ou retarder la venue des menstrues. Bichart Allah tatadarra biha, à condition que ça ne lui nuise pas, à condition que ça ne lui fasse pas de réel mal. Donc tout cela font partie des choses permises. Tout cela font partie, toutes ces choses-là font partie des choses permises dans la journée de Ramadan. Dans la journée de Ramadan. On ajoute, mais même si pour la majeure partie d'entre nous, on n'aura pas, je pense, l'occasion de faire cela, c'est permis de se baigner, c'est permis de nager, c'est permis de se mettre la tête sous l'eau. Tout cela n'annule pas le jeûne. Voici certaines remarques, donc, de choses qui sont licites dans la journée de Ramadan, qui peuvent être considérées par la masse comme des choses annulant le jeûne, comme des choses annulant le jeûne, sans parler des points sujets à divergence chez les gens de science. Après avoir mentionné cela, passons maintenant à Mubtilat al-Siyam. Et la plupart des points que j'ai mentionnés sont tirés du livre Mudhakkiratun fi Ahkam al-Siyam de الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. Passons maintenant à مبطلات الصيام. مبطلات الصيام. Les annulatifs du jeûne. Les annulatifs du jeûne. Sachez tout d'abord qu'il y a plusieurs appellations chez les gens de science. Mubtilat al-siyam, mufsidat al-siyam, Al-Mufattirat. Ce sont différentes appellations pour une seule et même chose, ce qui annule et coupe le jeûne de la personne. Sachez que les annulatifs du jeûne sont de deux types. Les annulatifs du jeûne sont de deux types. Premièrement, ma yubtilu siyam wa yujibu al-qada faqat. Premièrement, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire son rattrapage seulement. Donc la personne, par cette action, a annulé son jeûne et elle a l'obligation de le rattraper. Elle n'a rien de plus à faire. Thaniyan, ou bien la deuxième catégorie, ma yubtilu siyam wa yujibu al-qada ma'al kaffara. Ce qui annule le jeûne, rend obligatoire le rattrapage de ce jour, et en plus de cela, il y a une expiation. Premièrement, la première catégorie, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire son rattrapage. Al-aklu wa shurb, le fait de boire et le fait de manger, volontairement. Le fait de boire et le fait de manger. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wakul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Ay utruku al-akla wash-shurb ila ghurub ash-shams. Donc Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir du fajr. Puis poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire à partir du fajr, délaissez la nourriture et la boisson, et cela jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit. Nous avons également le hadith Qudusi, hadith à thème divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit: Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. C'est la version de l'imam al-Bukhari. Il délaisse sa nourriture et sa boisson ainsi que son plaisir pour moi. Donc le fait de délaisser la nourriture et la boisson, c'est le jeûne, et le fait de consommer de la nourriture ou de la boisson annule le jeûne. Et dans la version de Bukhari et Muslim, donc yatruku bien yada'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Qu'est-ce que se restaurer, boire et manger? C'est le fait de faire passer par la bouche à boire ou à manger afin que ça atteigne, donc ça descende dans la gorge ou l'œsophage. Ça, c'est ce qu'on appelle manger et boire. Ceci annule le jeûne sans aucune divergence. Et rattaché à cela, ce qui pénètre la gorge par le nez, celui qui fait entrer de l'eau par le nez, si cela entre, donc descend jusqu'à sa gorge, ceci annule son jeûne. Quelle est la preuve que c'est un cheminement vers Al-Jawf? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans ton nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Donc on comprend qu'en état de jeûne, il ne faut pas faire entrer l'eau par le nez, car c'est un cheminement vers la gorge. Dans le cas où ce qu'il mange et boit est nourrissant, sans aucun doute, ça coupe le jeûne, il y a consensus des savants. Que dire de celui qui mange et qui boit des choses non nourrissantes, même des choses nuisibles? Il mange du sable, Il avale une pierre. Il mange du sel. Il boit un produit, un détergent. Est-ce que ça annule son jeûne? L'avis prépondérant est de dire oui, ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Donc tout ce qui se... Parce qu'on a, en arabe, on appelle ça manger et boire. On appelle ça manger et boire. Donc ça annule son jeûne. Ça annule son jeûne. Tout ce qui atteint l'estomac annule le jeûne. Tout ce qui atteint l'estomac annule le jeûne. Donc, manger et boire annule le jeûne. On rattache à cela le fait de faire entrer des choses par le nez. Et enfin, on rattache à cela el-ibar el-muradhiya, les piqûres nutritives. Les piqûres nutritives remplacent la nourriture et la boisson. Remplacent la nourriture et la boisson. Et ça atteint, ce qu'on injecte, atteint l'estomac. Donc, ça coupe le jeûne de la personne. Contrairement à la piqûre qui vise à anesthésier l'endroit. Ceci n'annule pas le jeûne. Ceci n'annule pas le jeûne. Qu'en est-il des piqûres qui donnent vigueur au corps, qui donnent des vitamines au corps? Les savants ont divergé sur cela. Et un des avis forts est de dire que si ça atteint l'estomac, ça rompt le jeûne. Si ça n'atteint pas l'estomac, ça ne rompt pas le jeûne. Donc voici pour le premier annulatif. Le deuxième annulatif du jeûne, el-qay ou amdan, le fait de se faire vomir. Le fait de se faire vomir. Ibn al-Munziri nous dit, il y a le consensus à ce sujet. Il y a le consensus à ce sujet. La divergence n'est que lorsqu'il y a une... lorsque la personne a très peu vomi. Elle se fait vomir, mais ça sort que très peu. La preuve que c'est un annulatif est le hadith de Abi Huraira rapporté par l'imam Abi Daoud et At-Tirmidhi rahmatullahi alayhima. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Celui qui vomit involontairement, littéralement qui a été battu par le vom par son vomi, n'a pas à rattraper ce jour. Et celui qui se fait vomir, qu'il rattrape. Qu'il rattrape. Comment est-ce qu'il pourrait se faire vomir? En mettant ses doigts dans sa gorge, par exemple. Comment pourrait-il se faire vomir? En regardant une chose qui lui procure un profond dégoût, afin de chercher à se faire vomir. Certains ne supportent pas certaines visions, la vision du sang ou autre. Alors ils regardent cela volontairement pour se faire vomir. Comment pourrait-il se faire vomir? Troisièmement, en sentant volontairement une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde, et il sait de sa personne que ça le ferait vomir. Donc celui qui fait les causes pour vomir, s'il vomit, ça annule son jeûne. S'il ne vomit pas, s'il ne vomit pas, ça n'annule pas son jeûne. On tire de ce hadith que celui qui a été contraint de rompre son jeûne, celui qu'on a forcé à ingérer une chose, à manger ou à boire une chose, ça n'annule pas son jeûne. Parce qu'il a été contraint. Il poursuit son jeûne et son jeûne est valable, il n'a pas à le rattraper. On tire également de ce hadith que la base concernant celui qui annule son jeûne volontairement, c'est qu'il doit le rattraper. Sans expiation. La base, c'est qu'il doit le rattraper sans expiation tant qu'il n'y a pas de preuve. Le troisième annulatif, khuruju damil hayd wan nifas. Les menstrues et les lochies. La présence des menstrues et des lochies. Cela annule le jeûne sans aucune divergence. Si le sang sort avant le maghrib, ne serait-ce que 1 minute, qu'un instant avant le maghrib, ceci annule le jeûne de la femme et elle devra le rattraper. Une remarque importante, c'est que certaines se mettent à boire et à manger et cessent de jeûner. Pourquoi? Parce qu'elles sentent les prémices des menstrues, les signes à venir. Elles sentent un déplacement, une circulation sanguine au bas-ventre, des mouvements. Elles ressentent cela. Elles savent donc qu'elles vont avoir leurs menstrues comme habituellement. Mais rien n'a coulé. Ceci est une erreur. Car tant qu'il n'y a pas l'écoulement, elle n'a pas ses menstrues, donc son jeûne est valable et en cours. Elle n'a pas le droit de manger ni de boire. Donc ce qui compte, c'est l'écoulement. C'est la présence du sang. S'il n'y a pas de sang, son jeûne est valable, même si elle ressent les douleurs, les mouvements et autres. Et qu'ensuite, il y a l'adhan. Et tout de suite après, il y a l'écoulement. Ce jour de jeûne est valable. Ce jour de jeûne est valable. Donc ce qui compte, c'est l'écoulement de sang avant le maghrib. S'il coule avant le maghrib, son jeûne est annulé, elle doit le rattraper. S'il coule après le coucher du soleil, ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Donc faites attention à cette nuance. Le quatrième annulatif du jeûne, c'est al-maut, c'est la mort. On as'alullah azza wa jal husna al-khatima. Et on demande à Allah d'avoir une bonne fin. Quelle est la preuve que la mort annule le jeûne de la personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ida mat ibnu Adam inqata 'amalu. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent, s'interrompent. Donc la mort interrompt les œuvres, arrête les œuvres, les bonnes œuvres. Sauf trois, sont des œuvres qui perdurent. Sadaqatin jariya, une aumône qui perdure, comme celui qui a fourré un puits et les gens tirent profit de l'eau après son décès, ou il a construit une école ou une mosquée. Les gens tirent profit après son décès, il a encore les hasanat qui perdurent, ou une science, une science dont on continue à tirer profit après sa mort. Donc il a écrit un livre, il a propagé la science, il a transmis une science, il a enseigné une sourate, ainsi de suite. Après son décès, on continue à tirer de profit de sa science, il a enseigné. Ça, c'est une sadaqa jariya. Il continue d'avoir les hasanat, subhanallah. Et troisièmement, un enfant pieux qui fait dua en sa faveur. Tout cela, c'est des hasanat qui continuent après la mort. Mais sinon, le jeûne, c'est une action ou pas? C'est une action dont le prophète a.s. l'a fait entrer dans cette généralité. Ses actions s'arrêtent. Ainsi, celui qui jeûne dans la journée, s'il décède avant le maghrib, son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Une personne pourrait se dire, mais quelle est l'utilité, vu qu'il est mort, de savoir cela? L'utilité est dans le domaine du fiqh. L'utilité est dans le domaine du fiqh. S'il jeûne un jeûne obligatoire, comme un vœu, il a fait le vœu auprès d'Allah de jeûner ce jour-là. Il se l'est imposé, ça lui devient obligatoire. S'il jeûne ce jour et il décède avant le maghrib, ce jour-là sera annulé. Ainsi, ses proches devront jeûner ce jour-là à sa place, ou nourrir, selon la divergence. Si il avait une expiation, il devait jeûner 3 jours, il a jeûné 2 jours, et le troisième jour, il meurt avant le maghrib, ben ce jour-là est annulé. Ses proches devront jeûner ce jour-là. Ils devront jeûner ce jour-là. Ainsi, on voit l'importance de l'étude et de la compréhension des choses émises par les jurisconsultes, les fuqaha, les savants, et comprendre les paroles des savants. Et lorsqu'on ne comprend pas une chose, ou la sagesse ne nous apparaît pas, il ne faut pas accuser les gens de science, il faut accuser notre intelligence, notre compréhension. Et il faut questionner les gens de science pour comprendre leur langage. Le cinquième annulatif, puisse Allah nous en préserver, ridda, le fait d'apostasier. Car Allah nous dit en surat Az-Zumar, la in ashrakta lahbatanna amaluk. Si tu commets du polythéisme, toutes tes œuvres deviendraient vaines. Donc, ce qui annule l'islam de la personne, ce qui annule la base de sa foi, comme le kufr akbar, la mécréance majeure, comme le fait d'insulter Allah, son messager, de se moquer des signes d'Allah Azza wa Jal, ou bien des versets, naam, plutôt des versets, ou al-shirk al-akbar, comme le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, comme le fait de prétendre qu'autre qu'Allah connaît les choses de l'invisible de manière absolue, comme le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, tout cela annule l'islam de la personne. Tout cela annule l'islam de la personne. Et celui qui a annulé son islam à sa base, sa foi à la base, ben toutes ses œuvres sont vaines. Et parmi les œuvres, il y a le jeûne. Il y a le jeûne. Sixième annulatif, قَطْعُ نِيَّةِ الصِّيَامِ الْعَزْمُ عَلَى الْفِطْرَ. Le fait de couper l'intention du jeûne. Le fait de couper l'intention du jeûne. Celui qui coupe son intention. C'est-à-dire, il se dit dans son cœur, j'arrête de jeûner à l'instant. Celui-ci, son jeûne ne repose plus sur niyya. Il n'y a plus l'intention. Et une des conditions d'authenticité que nous avons étudiées est niyya, l'intention. Ainsi, celui qui coupe son intention, c'est-à-dire, il se dit, je ne jeûne plus. À cet instant, je cesse de jeûner. À partir de cet instant, ce dernier a annulé son jeûne. S'il se dit, ah non, finalement, il ne reste pas beaucoup de temps, je poursuis mon jeûne. Est-ce que c'est valable? Non, ça n'est pas valable. Celui qui rompt l'intention, qui coupe son intention, il a coupé son jeûne. Il a coupé son jeûne. Contrairement à celui qui dit, je couperai mon jeûne, qui rattache cette chose au futur. Ce dernier n'aura pas coupé son jeûne tant qu'il n'aura pas pris quelque chose ou fait quelque chose qui entre dans les annulatifs du jeûne. Donc celui qui coupe son jeûne, celui qui tombe dans l'annulatif du jeûne est celui qui coupe son intention à l'instant. Pas celui qui rattache cela au futur. Le septième annulatif du jeûne, al-ihtiqanu من الدبر إذا وصل إلى الحلق إلى الحلق أو إلى الجوف. Les suppositoires, l'utilisation de suppositoires, si cela atteint l'estomac, ou bien la gorge. Donc, il y a plusieurs types de suppositoire et il y a plusieurs. C'est utilisé pour divers traitements. Il se peut que ça se soit utilisé en cas de constipation, par exemple. Donc, ça sera introduit, ça ne remontera pas, ça ressortira et ça libérera la personne. Ceci n'annule pas le jeûne. Mais dans le cas où c'est utilisé dans certains traitements, Ça remonte jusqu'à atteindre l'estomac ou la gorge. Cela, c'est véhiculé par des choses du corps humain. Cela annule le jeûne. Huitièmement, bal'u an-nukhama, le fait d'avaler, non pas sa salive, mais an-nukhama. An-nukhama, ce sont les glaires, ce que les gens appellent le molar. C'est visqueux et souvent, ça a une couleur jaunâtre lorsque la personne est malade. Donc ça peut couler blanc, ça peut couler jaune, orange, cela selon le cas de la personne. Dans certains cas, ça descend de la tête ou du nez directement à la gorge. Directement à la gorge, sans venir sur la langue de la personne dans sa bouche. Ceci n'annule pas le jeûne. Dans certains cas, ça remonte de la poitrine jusqu'à la gorge, sans sortir. Puis ça redescend. Ceci n'annule pas le jeûne. Mais parfois, ça descend, donc de la tête ou du nez, à la bouche. À la bouche. Donc c'est un corps étranger qui est venu dans la bouche de la personne jeûneur, dans cette personne qui est en état de jeûne. S'il avale cela, est-ce que ça annule son jeûne ou pas? C'est sur ce cas-là où c'est subtil. Donc dans le cas où ça vient en petite quantité et que ça lui est facile de le recracher, s'il l'avale, un des avis forts est de dire que ça annule le jeûne de la personne. Ça annule le jeûne de la personne. Donc il faut faire attention à ce point-là. C'est que si ça descend et ça arrive à la bouche, il faut le recracher. Il ne faut pas l'avaler. Par contre, si ça vient en grande quantité, jusqu'à ressembler à de la salive, là il y a une lourdeur pour le jeûneur de toujours recracher. Il y a une difficulté. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas que ça coupe le jeûne. Mais si ça lui est facile de le recracher, c'est un corps étranger qui est venu de la tête ou du nez, qu'il l'a dans sa bouche et que ça lui est facile de le cracher, à ce moment-là, il faut qu'il le crache. Car un des avis forts chez les savants est de dire que ça annule son jeûne, s'il est savant de cette question religieuse. Quant à l'ignorant, on ne va pas dire que ça annule son jeûne parce que la plupart ne connaissent pas cela. Le neuvième point, c'est Al-Hijama, c'est de pratiquer la saignée. Il y a une grande divergence sur cela. Certains disent que ça annule le jeûne, d'autres disent que ça n'annule pas le jeûne et que ça a été abrogé. Que ça a été abrogé. On citera quelques détails, Inch'Allah ta'ala, sur ce point-là. Le dixième annulatif, c'est Khurujul Mani. C'est le fait de faire sortir le sperme volontairement. Le fait de se faire sortir le liquide, précisément al-mani, le sperme, volontairement. Celui qui fait les causes pour cela, si ce liquide-là précisément sort, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Donc, parmi les choses demandées durant la journée de Ramadan, c'est al-kaffu anishahwa. C'est le fait de retenir ses désirs. C'est le fait de retenir ses désirs. Dans le hadith Qudsi que nous avons déjà mentionné dans le cours, yatruku ta'amahu wa shahwata. Il délaisse sa nourriture et son plaisir. Donc ce dernier n'aura pas délaissé son plaisir pour Allah Azzawajal, il aura donc annulé son jeûne. Il aura donc annulé son jeûne. Quelle que soit la cause empruntée pour faire sortir son liquide, que ce soit licite à la base ou illicite à la base, à partir du moment où ce liquide précisément, pas un autre, sort, ça annule son jeûne. Quelle cause par exemple? Takrar al-nazar, s'il répète un regard. Donc il regarde une chose qui suscite son désir à plusieurs reprises jusqu'à faire sortir son liquide. Ceci annule son jeûne. Par contre, s'il a vu une seule fois, S'il a vu une seule fois, ça n'annule pas son jeûne, même si son liquide sort. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as le premier regard, mais tu n'as pas le second. Donc le premier regard, par inadvertance, est excusé. Ainsi, même s'il entraîne l'éjaculation, ça n'annule pas le jeûne de la personne. Mais dans le cas où il réitère le regard, il regarde plusieurs fois, ou bien il regarde une fois, mais il reste sur cela un long moment pour créer ce désir jusqu'à faire sortir, pour développer ce désir jusqu'à faire sortir son liquide. Là, c'est le jugement de répéter le regard. C'est le jugement de répéter le regard. À l'image de la personne qui voudrait tricher et dirait: oui, mais moi j'ai regardé qu'une fois. Mais il regarde de longues minutes. Celui-ci, il peut tricher avec sa personne, peut tricher avec son âme, peut tricher avec les créatures d'Allah, mais il ne peut pas tricher avec le Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le contenu des cœurs, celui qui voit la personne qui triche en privé. Wallahu al-musta'an. Donc, le fait de répéter le regard, si le liquide de la personne sort, elle aura annulé son jeûne. Elle aura annulé son jeûne. Aussi, si la personne donc s'amuse avec son épouse et il sait de lui qu'il ne peut se maîtriser, et il poursuit ce jeu jusqu'à avoir fait sortir son liquide, jusqu'à faire sortir son liquide, ce dernier aura annulé son jeûne parce qu'il a fait cela volontairement. Il a fait cela volontairement. Et dans le hadith Qudsi, yada'u shahwata. Il délaisse son mada, son plaisir. Et ce dernier n'a pas délaissé son plaisir. Il n'a pas délaissé son plaisir. Là, nous parlons du fait de faire sortir ce liquide sans avoir, à proprement dit, de rapport sexuel, sans le jima'. On parle de ce qui est en dessous du rapport. Le rapport sera laissé à la fin, on verra que le jugement n'est pas pareil. C'est l'annulatif qui est très grave, il y a une expiation particulièrement sévère. Donc, le fait de répéter le regard. Dans le cas où il répète le regard, mais que le mani ne sort pas, c'est plutôt le mazé qui sort. Si c'est le liquide prostatique qui sort, le liquide transparent dû à l'excitation, ceci n'annule pas le jeûne. Il l'affaiblit, il diminue de ses récompenses, il lui amène des péchés pour son action volontaire, mais il n'annule pas son jeûne. Il n'annule pas son jeûne. Barakallahu fikum. Pareillement, pour celui qui se réveille et dans son sommeil, il a fait un rêve qui l'a amené à se retrouver en état de janaba, ce qu'on appelle l'ihtilam. Il a fait un rêve érotique. Il se réveille, il trouve le liquide. Ceci n'annule pas son jeûne parce qu'il ne l'a pas fait volontairement. Mais il est en état de janaba, il doit se laver. Il doit se laver. Et Allah dit dans le Coran: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Ajoutez à cela, donc parmi les causes pour faire sortir son liquide, qui, si son liquide sort, annulera son jeûne, al-istimna, la masturbation. Celui qui pratique cela, bien que ça ne lui soit pas licite, que ce soit dans Ramadan ou en dehors de Ramadan, ou si son épouse lui fait cela, dans le cas où, donc, dans la journée de Ramadan, c'est interdit s'ils sont touchés par l'obligation du jeûne. Dans le cas, dans toutes ces situations-là, dans le cas où son liquide sort, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Donc, je répète, pour l'ihtilam, celui qui se réveille en état de janaba, ça n'annule pas le jeûne. Son jeûne est valable, il poursuit son jeûne, mais il doit se laver pour ôter l'état d'impureté majeur. Et je répète, elle m'a dit, n'annule pas le jeûne. Le liquide prostatique, le liquide transparent qui sort, qui coule dû à l'excitation, n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne. Donc il faut faire la distinction entre ces deux liquides. Pareillement pour El Wadi, si la personne va aux toilettes et qu'après elle voit ce liquide blanc qui sort, donc ça n'est pas une éjaculation, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Donc, pour finir sur ce sujet, je répète, si il fait des choses volontairement pour faire sortir son liquide et que son liquide sort, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne car il est responsable, il a fait cela volontairement et il n'a pas délaissé un des annulatifs du jeûne qui est le désir, le plaisir. Voici pour Mada pour ses annulatifs. Le fait de fumer la cigarette et des drogues annule également le jeûne de la personne. Annule également le jeûne de la personne. Il y a un terme médical qui ne me revient pas. Il me semble que c'est la dialyse. Naam, je pense que c'est la dialyse. Ça annule également le jeûne. Ça annule également le jeûne. Voici pour les annulatifs. Il nous reste un annulatif. C'est el-jima. Il nous reste un annulatif. Il entre dans la deuxième catégorie des annulatifs du jeûne. C'est-à-dire qu'il annule le jeûne de la personne, il lui rend obligatoire le fait de le rattraper, et en plus de cela, il a une expiation sévère. En plus de cela, il a une expiation sévère. Il faut ajouter à n'importe quel des annulatifs que s'il a commis un péché en le faisant, s'il a coupé qu'il n'était pas en droit de le faire, ou si il commet un péché pour le faire, en plus de tout ce que nous avons mentionné, il doit se repentir. Il doit se repentir. Et il y aura une conférence sur le repentir, Inch'Allah Ta'ala, car j'en ai le plus grand besoin avant vous, et par la suite, vous en avez également besoin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Kullu bani Adam khatta, tout fils de Adam, et pécheur, les sujets à la faute. Donc revenons à cet annulatif. Celui qui Mada, qui commet le jima, qui a un rapport dans la journée de Ramadan, c'est-à-dire après l'entrée de l'heure du Fajr, avant l'entrée de l'heure du Maghrib, avant le coucher du soleil, celui-ci aura annulé son jeûne. Celui-ci aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Avec un annulatif qui est très très grave. Parce qu'il aura entaché le caractère sacré du mois de Ramadan. Il aura commis un péché. Et il aura délaissé une des bases. Il aura commis une des bases des annulatifs qui sont manger, boire et les rapports. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran, ces trois bases. Il a mentionné cela dans le Coran. Wakulu, washrabu. ماذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. Ça, c'est pour le fait de manger et le fait de boire. Pour le fait de manger et le fait de boire. Et avant cela, Allah Azzawajal nous mentionne les femmes. Puis il nous dit de ماذا, de délaisser cela du Fajr jusqu'au Maghreb. Dans sa parole, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dans Sourate Al-Baqara, après les versets 180, Allah Azza wa Jal dit désormais, commercez avec elle et recherchez ce qu'Allah vous a inscrit et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir du Fajr. Puis poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est-à-dire, délaisser les femmes jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Donc ça, c'est un annulatif grave du jeûne de Ramadan. À partir de quel moment, on dira qu'il a eu un rapport, à partir du moment où le rousl lui est obligatoire, à partir du moment où le rousl lui est obligatoire à lui et la femme, c'est-à-dire à partir du moment où il entre la partie circoncis, en la femme, il a annulé son jeûne et il a commis ce péché gravissime. Il a commis ce péché gravissime. Donc il a annulé son jeûne. Il doit rattraper ce jour de jeûne. Il doit troisièmement se repentir. Il doit se repentir. Et en plus de cela, il y a une expiation. Quelle est cette expiation? Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah halakt, le hadith authentique. Ya Rasulallah halakt, ô messager d'Allah, j'ai péri. Dans l'autre version, j'ai halakt wa ahlakt, j'ai péri, j'ai fait périr. Ma ahlakak, qu'est-ce qui t'a fait périr? L'homme a dit, وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانِ. J'ai eu des rapports avec mon épouse dans la journée de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as un esclave que tu peux affranchir? Il lui a dit non. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? C'est-à-dire 60 jours ou bien 29 ou 30 jours d'affilée à 2 reprises. Ni 2 mois sans arrêter, si ce n'est s'il y a le jour du Eid, ou un jour de maladie. Et il lui a dit, je ne peux pas. Et dans l'autre version, est-ce que j'ai commis cela, si ce n'est dans la journée de Ramadan? Et dans une version, c'est venu que c'est un homme, yani, qui avait beaucoup besoin de son épouse. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est tu. Par la suite, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un seau de dattes. J'ai oublié, il lui a également demandé, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il lui a dit non. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il lui a dit non. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un seau de dattes. Il a dit, Aina sa'il, où est l'homme qui m'interrogeait, qui m'interrogea? Il est venu et il lui a dit, tiens, At'im. Bihada, yani, il lui a dit, tiens, et avec cela, nourris. Yani, nourris des pauvres. Tasaddaq bi. Donne cela en aumône à des gens. L'homme est parti, puis il a dit, Ya Rasulallah, awa ala afqara minni. Dois-je donner cela à une famille plus pauvre que la mienne? Par Allah, il n'y a pas entre les deux là-bas, les deux montagnes, où il y a des pierres noires, plus pauvre que ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri jusqu'à ce qu'on puisse voir ses molaires. Puis il lui a dit, At'im biha ahlak. Il lui a dit, nourris avec ta famille. Nourris avec ta famille. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a souri? Les savants ont dit, de par là, le bouleversement de la situation de cet homme qui est venu en disant « j'ai péri » et qui repart avec une aumône pour sa famille, qui repart avec de la nourriture pour sa famille. Subhanallah, comment Allah change la situation de celui qui a peur de lui, change la situation de celui qui se sauve vers lui, change la situation de celui qui considère la gravité du péché, celui qui revient vers Allah, qui a peur d'Allah, qui a peur de sa punition. Allah Azza wa Jalla ne l'abandonne pas. Allah se réjouit de son repentir. Allah Azza wa Jalla lui facilite sa situation et lui accorde une issue favorable dans tous ses problèmes, dans toutes ses affaires. Cet homme-là vient en pensant périr, en ayant peur d'entrer en enfer, et il repart avec une aumône pour sa famille. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez un homme endetté qui doit une grosse somme d'argent. Il vient chez la personne et la personne lui dit « Non, finalement, tu ne donneras pas cet argent-là. Par contre, tiens, ça c'est pour toi. » Et l'homme est dans la plus grande difficulté, ne sait même pas comment est-ce qu'il va nourrir sa famille cette semaine. Il revient chez lui avec de la nourriture. Vous imaginez le bouleversement de sa situation? Donc le prophète alayhissalatu wassalam a souri, il a ri, de par le changement de sa situation et comment Allah Azza wa Jalla lui a facilité son affaire. Donc, la personne qui a un rapport, il a cette expiation-là. Il a cette expiation-là. Et demain, incha'Allah ta'ala, on mentionnera quelques questions relatives à ce cas-là. À savoir, est-ce que c'est que l'homme qui a l'expiation ou l'homme et la femme? Dans le cas où il dit qu'il a fait cela, mais par oubli, en oubliant son jeûne, est-ce qu'il devra jeûner? Est-ce qu'il aura l'expiation également ou pas? Dans le cas où il ne peut affranchir un esclave, dans le cas où il ne peut nourrir 60 pauvres, dans le cas où il ne peut jeûner 2 mois consécutifs, est-ce que l'expiation tombe ou bien est-ce qu'il a une dette et il sera redevable? Il est redevable étant, yani que, comment dire, cette dette lui reste dessus, et le jour où il aura les moyens, par exemple, de nourrir 60 pauvres, il devra le faire. Toutes ces questions, inshallah, on les étudiera demain. Wallahu a'lam wa salli allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا وسائر الأعمال يا رب العالمين, يا شكور يا رحيم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.